pardonnez-moi, mademoiselle, ne vous effrayez pas. Je sais qu'en cette maison solennelle, aucun homme n'entra jamais. Mais moi, je suis un patriarche, je puis risquer cette démarche. Avec moi, vous pouvez bannir toute terreur. Je suis un vieux parmi les professeurs et le doyen des inspecteurs. En ce jour, je fais ma tournée. Et dès qu'ici je suis venu, c'est vous que l'on m'a désigné comme un modèle de vertu. Je connais votre cœur timide, combien il est chaste et candide. Moi, vous pouvez bannir toute terreur. Je suis un vieux parmi les professeurs et le doyen des inspecteurs. Mademoiselle, ayez la bonté de me dire de quelle façon vous passez votre existence dans ce couvent. Répondrai-je, ma mère ? Mais oui, mon enfant, répondez.